château d'eau, fais ton fils de phare. C'est ici qu'on s'arrête et c'est ici que tu descends. Mais plus dur est pour celui qui loin de chez lui dit à ses amis: donnez-moi vos yeux, je vous emmène dans mon pays. Un oeil ça pèse combien de moi, le tien sera prochain sur la liste. Le poète mégalo les entraîne dans son rêve et puis dans sa chute. Mais sont ça le jour de repos, vous savez ce jour l'on crève devant le marge et ses langues de feu.